Je suis la chair, je suis la peau et je suis les os. Je suis la nouvelle manne et l'ancienne pourriture. Autour de vous, l'air est froid. Il vibrionne, il oscille légèrement. Il ondoie, ou du moins ses projections ondoient sur l'onde brisée par le vent, au travers de la canopée des feuilles qui forment une couronne autour de la mare. La mare dont a émergé cette jeune fille qui vendait ses savoureux gâteaux préparés, courus dans toute la ville. Comment s'appelle cette ville ? Vous êtes planeurs, tous assemblés en cet instant, en ce moment, et c'est une assemblée fugitive et en même temps établie dans le temps, un temps volé au temps lui-même, suspendu. À l'orée du bois, des profondeurs du bois, ont émergé Nalion et un étrange compagnon de fer, de rouille et de liseron emmêlés. Il s'est avancé dans la clairière et s'est arrêté en chemin, laissant fuser d'étranges sonorités flûtées, comme incongrues dans ce coin de nature noyé dans la brume et la boue. La boue dont extirpait péniblement encore quelques instants auparavant quelque artefact oublié, enfoui dans la vase, couleur des morts, qui émerge toute ruisselante dans sa combinaison des eaux. Elle vient de doter son volumineux casque de cuir qui la protège lors de ses plongées au-dedans de la mare, au tréfonds du bois de Cachel, ou d'Ama Ferraille, c'est comme ça qu'il figure sur les cartes. Est-ce cela que tu as relevé, Herman, lorsque tu as évoqué avec Nikolai les cartes? Tu avais repéré L'atelier devait se trouver dans une dépression au pied du mont Payotte. Et tu devais y trouver quoi donc de si précieux, de si recherché pour les doctes de Point Défense? Le gramomètre. Le gramomètre? Le gramo... gramophone. Le gramotruc. Ce sont les effets de l'égrégore qui se font ainsi ressentir en toi? Non. Ce sont tous les noms que leur ont donné les deux compères ici présents. En cet instant, es-tu présent dans le moment? Es-tu encore ou déjà dans le cercle cérémonial qui vous a uni autour du thé et du riz, ce moment d'apaisement profondément ressenti dans tes chairs et dans ton esprit, où tu as pris de la distance? Je suis encore autour du cercle, encore... encore le... J'entends la musique, encore je sens le riz et aussi l'odeur du thé. Qu'est-ce qui pourrait t'extirper de ce moment pour te plonger dans l'instant où tu sens vivement, confusément, vivement, fugacement plutôt. Un instant fugace, tu discernes une lueur vive qui accroche ton regard, une lueur vive qui se dessine dans ton champ de vision périphérique. À ta dextre, tu entends un cliquetis qui suit un cliquetis métallique qui vient ponctuer la plainte, le hurlement itératif qui a ressenti peu de temps auparavant. Tu as entendu les bruits des objets épars, exhumés, tout ruisselant de boue et d'eau turbide mêlée. Tombé pour se répandre au pied de la jeune dame qui est là sans être là, qui est assise devant la... Comment ça s'appelle ? Samavar. Samavar. Samavar. Samavar. Maladiet. Samavar. Samavar. Est-ce cela qui te permet de plonger dans ce souvenir? Est-ce un souvenir que tu as en toi, ou est-ce un souvenir que tu t'inventes dans l'instant? Le souvenir. Quel serait le souvenir? Le samavar, ou le... Le samavar n'est pas un souvenir. Je suis prêt à le parier. Il ne s'agit que d'une invention non exprimée. Conjurer l'oubli, c'est dessiner la carte qui affirme un champ toujours possible dans des gravelades, une perspective d'avenir. Est-ce cela conforme à la directrice première? Non, il me semble pas. Le verbe dérobe au geste l'instant. La vérité de l'instant. Et la vérité de l'instant te dit autre chose que le souvenir du riz tiède et doux au palais. Te dit autre chose que l'amertume du thé noir du souvenir. Ce n'est qu'un souvenir ou une perspective d'avenir. Ce n'est pas dans le présent. Mais il y a une amertume et un goût de fer, de sang. Comme lorsqu'on croque sa langue par inadvertance, se mord la lèvre. Pour moi, sang. Quand on boit notre propre sang en somme. C'est clair. Et toi, Malion, est-ce que tu bois ton propre sang? Que vois-tu en cet instant? Est-ce que tu te souviens de ce doux moment ou penses-tu à autre chose? Tu entends les pistons de ton compagnon jouer. Tu sens une vive chaleur monter. À ce moment-là, je regarde surtout autour de moi. Autour de toi se trouvent les membres de l'expédition, égayés en arc de cercle devant la jeune fille qui te tourne le dos, mais que tu reconnais aisément. Sa tête s'est détournée dans ta direction, attirée par les mouvements de l'artifice qui est à tes côtés. Ou peut-être est-ce... Alors, son visage se tourne à l'opposé et se porte dans la direction de votre opérateur radio. Ta radio est-elle commutée? Est-ce que les canaux sont ouverts et chantent au vent des Grégores ou... Ils sont fermés. Tu les as fermés? Oui. Dans quel but? Enfin, il ne faut arrêter d'être envahi par ces infos, ces informations qui pullulent, qui se détériorent d'elles-mêmes. De par leur nombre incalculable. Soit qu'on pourra louper des informations importantes. Dire que la police disparaître. Soit, mais tu pourrais louper des informations importantes, dit le goupil avant de disparaître. De fait, tu avais discerné une présence. Tu sentais, toi, autre chose que la chaleur. Vive qui s'anime à la périphérie de ton regard, une chaleur animale et une odeur d'automne. Plus loin. Puis j'identifie ce que c'est. Un immense cervidée à l'imposante ramure au bois. Un immense trophée. Aussi grand que celui que tu as délaissé plus tôt dans le bois où tu as dépecé ce cerf blanc. Un cerf blanc qui se tiendrait sur ses deux pattes, qui fait craquer sous son poids les branches, les brindilles, l'amas de feuilles accumulées par les ans sur la hauteur du coteau auquel était adossé Herman. Si jamais je le vois tenter geste qui me paraît hostile. Je m'occupe de son cas, sinon je laisse. Et comment entends-tu t'occuper de son cas? C'est quoi son occuper? S'occuper de lui? Tu l'entends mugir? Mettre fin à ses jours s'il tente une action hostile. Comment vas-tu mettre fin à ses jours? Il me semble que j'ai toujours... La dernière fois, je m'avais battu avec un arc, il me semble, non? Oui. J'ai toujours mon arc et des flèches. Tu bandes ton arc? Oui. Et tu destines la flèche à cette cible mouvante qui bondit dans les broussailles autour de façon étrange. Elle avance, recule, semble hésiter à vous rejoindre dans le cercle de lumière où vous vous trouvez. Pourtant, ce caractérise désormais le bois et le vallon dans lequel vous vous trouvez, il est tout couvert de feuilles rousses. Tu as en ta main ton trait, ta flèche, tu es prêt à la décocher. Qu'as-tu donc chassé, Malion, auparavant? As-tu chassé que des animaux ou as-tu chassé d'autres choses quand tu n'étais pas dans les bois le temps du brame? Qu'as-tu pu chasser quand tu n'étais pas dans les bois le temps du brame? T'est-il advenu de chasser autre chose que les cerfs? Qu'advient-il des lapins, des lièvres de marche? Ils donnent des œufs aux enfants. Ils donnent des œufs aux enfants? Quel type d'œufs? Des œufs au chocolat? Et quels œufs pourrait donner cette créature infâme de chair et de lichen mêlé, de liseron et de mousse? Cet être de au moins trois fois la hauteur de Nadion domine de toute sa puissance votre frêle mécanographe. Qu'est-ce qui bondit dans la plaine à fin péril? À n'en point douter, c'est un horla qui se tient là. Un être immense et blanc, aux yeux vides de vie, mais à la gueule avide de happer la vie de votre ami. Me rendant compte de cela, je tire. Un cri, des chairs, un trophée qui est suspendu au tronc de la fumée qui s'élève et tu vois jaillir, bondir du sol des silhouettes, ces lièvres de marche qu'évoquait à l'instant en pensée tout au moins le naïf Gaster, Des chocolats. Ce ne sont pas des œufs de chocolat qui tombent, qui bondissent à flanc de coteau, mais le feu. Il t'est encore temps car ton tir est puissant et rapide. Tu peux d'un tir ajusté d'arrêter le son. Calciner la flèche qu'a lâché Nalion et qui se dirige vers la gorge du gamin qui se jette dans les bras. Je le fais. Règle 1, je dois protéger. Mais si tu le fais, tu ne pourras pas arrêter les bois qui se tiennent juste devant toi et qui menacent la gorge de ton ami Nalion. Qui protèges-tu? J'aurais deux cibles à éliminer pour protéger Nalion. J'ai une seule cible à éliminer pour protéger l'autre andouille. Oui, l'autre andouille. C'est quoi ton personnage? Gaster? Gaster. C'est pas Gaster. C'est un petit gamin. Oui, bah le petit gamin, j'ai qu'un tir et l'autre, j'en ai deux. Le choix est vite fait. Je protège le petit gosse. Donc, tu calcines la flèche de ton tir ajusté. Alors, Nalion, que tu viens de lâcher ton trait pour éliminer ces lièvres, ces hors-lièvres surgis du néant, telle une pestilence vomie par la créature te tenait menaçante au-dessus de ton ami opérateur radio. Surgit juste devant toi une créature immense qui te menace de ses bois et qui, à n'en pas douter, va tenter d'arracher tes chairs de ceci, de ces bois. J'imagine que j'ai pas le temps de tirer à bout portant. Au-delà du fait que ce soit éprouvant physiquement. Et ouais, c'est ça. Alors, parmi tes perles de souvenirs, dis-moi qui en erre, ce qui en erre te permettrait d'être vif comme l'éclair. J'accepte la puissance des cœurs. Tu en appelles à la puissance des cœurs. Ces cœurs étaient surgis du passé. Tu as refusé auparavant de lire en eux. Qu'est-ce qui vous lie à ces cœurs? Qui a, lorsque vous les avez exhumés, les a regardés avec la plus grande intensité? Vous en souvenez-vous, les uns et les autres? Oui. Herman, te souviens-tu qui de quel regard, quelle personne était fascinée par les cœurs Non. L'autre, celui, le malade, l'autre bûcheron malade, il me semble. J'ai oublié son nom. Serge Claude. Bah oui, voilà. Était Serge Claude qui a été fasciné? Il n'y avait-il que lui? Il y avait aussi moi. Toi. Et dans l'assemblée, d'autres encore ont partagé, ou du moins ont été captivé par la découverte où... Henri Fromage était un peu... un peu... effrayé par... l'attitude de... Serge Claude? Oui. Et qu'est-ce qui l'effrayait, d'après toi, dans l'attitude de Serge Claude? Sa maladie. C'est la maladie qui l'effrayait? Mais la maladie n'est pas liée au cœur? Ou l'est-elle, selon toi? Selon moi, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas? Alors qu'est-ce qu'on produit ou qu'est-ce qui s'est cristallisé en ces deux cœurs déposés sur la table? Vous l'aurez compris, maintenant nous sommes à nouveau dans la scène autour de ces cœurs lorsque Serge Claude vous propose... On a fait un fast-forward pour refaire un flashback dans le fast-forward qui nous ramène au moment présent. C'est cela. Youhou ! Donc vous êtes à nouveau attablé, ou du moins autour de la table, lorsque Serge Claude avait déposé les cœurs, si vous en êtes d'accord. Oui. Oui. Donc, Nicolas se tient ses cartes. Tout d'abord de la table, il s'empare de son piège lumière, fait jouer le mécanisme. Un cliquetis, je vous l'avais dit, était comme une ponctuation à votre voyage récent, à vos haltes, parce qu'il n'avait de cesse de le manipuler. Ce petit cliquetis retentit et troue le silence. Hier, un peu de glaire, demain, momie ou sang. C'est ce que dit alors Nicolai. Vous étiez emparé, vous vous souvenez, à la demande de Henri Fromage. De Serge Claude. Maintenez-le que je puisse lui injecter sa dose. De Henri Fromage, pas de Serge Claude. T'as sûrement de me regarder comme ça, hein, c'est Henri Fromage. Hein. Henri Fromage s'approche, sa lourde seringue menaçant le postérieur du pauvre Serge Claude qui roule des yeux. Je n'ai fait que plonger dans les... dans la vase. J'ai rien fait de mal. Je ne porte aucun mal. Qu'est-ce que... Je ne suis aucun mal. Je ne suis d'aucun mal. Je suis une droiture. Je respecte nos préceptes. Te souviens-tu de ce cliché, Hermann ? Cette image d'un homme dans un bureau haut de plafond, sentant le bon livre moisi, celui qui contient les savoirs que ta radio dispense au travers des sentinelles. Non, je... Boris peut-être. Était-ce Boris ? C'est Boris qui a dit cela ? Il me semble. Et donc, dans quelles circonstances a-t-il pu en parler ? C'était donc un rapport à l'issue d'une mission. Et pourtant, l'endroit, ces murs lambrissés, l'odeur forte de bois lustré. Pas d'odeur de poussière et de vieux béton comme à Point Défense. C'est un autre endroit que cela t'évoque. Un autre sanctuaire. Je ne vois pas. As-tu une fistule ? Une fistule ? Qu'est-ce qu'une fistule, Gaster ? Je sais pas. Tu sais pas ce que c'est, une fistule ? Non. Est-ce que tu écoutes parfois Henri Fromage ? Non. Tu n'écoutes pas ? Non. Pourquoi n'écoutes-tu pas ? J'ai pas envie. T'as pas envie ? C'est ton esprit rebelle. T'a-t-il dit ou a-t-il fait quelque chose à ton encontre qui légitimerait que tu ne l'écoutes pas ? Bien. Tu te souviens de l'odeur même des boiseries, les ouvrages empilés sur de grandes hauteurs, dans un lieu loin de l'exiguïté et de l'austérité de Point Défense. Et pourtant, tu m'affirmais avec conviction et certitude ne point avoir quitté Point Défense. Où serait-ce lieu ? Serait-ce les effets même des cœurs secs qui auraient insufflé ce souvenir étranger en ton esprit, ou aurais-tu imaginé simplement à partir d'une vieille photographie jaunie toute cette scène? Sûrement une invention de mon esprit. Hermann, vous devrez, pour les besoins de la cause, vous infiltrer. Si, enfin. C'était la seule fois que j'ai dû quitter Point Défense. Il est revêtu d'un étrange vêtement de serge teinté à la couleur des bois, mais ce n'est pas en usage dans la ville. Ici, les couleurs sont plus chatoyantes. On cherche à oublier le bois qui envahit tout, qui ruisselle au-dedans des maisons et qui force les cellules les unes après les autres. Il a mouché la bougie. Il y a pourtant dans ton souvenir pas d'odeur. Pas l'odeur particulière qui devrait se manifester Mais qu'est-ce qu'une fistule ? Je ne sais pas. Nalion, as-tu une fistule ? Pas à ma connaissance. Tu n'as aucune fistule en toi, Nalion ? Non. As-tu une fistule ? Parce que là, à cet instant, tu sais ce que c'est. C'est une cavité pratiquée soit par un acte médical, soit un acte de réparation des artifices, qui permet d'introduire un nodule, une machine molle. Non, je n'en ai pas. Et pourtant, Boritz... Non... Boritz. Boris. Te confie un nodule. Tu pourras le réactiver lorsque tu auras achevé ta mission. C'est le seul moyen de. Qui nous est donné pour préserver notre réelle identité parmi tous ces êtres factices. Il nous faut déceler les adorateurs de viande noire qui menacent notre ville. Nalion, tu t'étais emparé de ces cœurs secs, presque friables, qui reposaient sur la table. Tu as aperçu sur celle-ci... La porosité, ces éléments cristallisés qui les rendent quasi artificiels. Tu es convaincu de ne pas avoir de fistule ? Toujours. Et lorsque tu t'es emparé du cœur pour épuiser la ressource, l'énergie... dont tu manquais, et t'emparer de la puissance que recélaient les cœurs, quelque chose d'étrange s'est produit en toi. Et ce mot, Auslochen, oblitération. Donc... Et comment je peux le refuser ? Je le mets en concurrence avec le nom Nalion. Ok, je dois lancer. Si c'est un pair, je le prends. Si c'est pair, je le prends pas. C'est cela. Je peux avoir le dé. Un dé quelconque. Tiens. 6. Donc... Tu reprends ta fistule. Je reprends ma fistule. Lorsque vous êtes assemblés... tous autour de la table à contempler ces cœurs tout secs. Tu ressens la sécheresse, l'aridité qui est cristallisée dans ceci, l'absence de vie. Ils sont figés dans un temps, un instant loin de celui de la vie. La vie, c'est l'eau. La vie, c'est au cœur du bois, Gaster. Gaster, tu sens que dans la profondeur des marais qui saignent des gringolades, gît la vie véritable, l'avenir de l'homme, au-delà de ses souvenirs factices qui l'éloignent de sa destinée. Tu es un profond moi. Et à la place de je suis Gaster, tu luttes contre, donc je suis pas d'accord. J'ai bien compris à ton geste, donc je t'invite à lancer un dé. Résultat pair. Tu résistes aux assauts de forêt. Il tient dans ta face. À celui-là. Alors, puisque tu l'as pas, c'est pas, j'introduis pas une règle. Hein, c'est simplement, on était dans l'instant et si tu souhaites résister, il faut que tu m'évoques ce qui te permet de le faire. Et donc là, tu dois le narrer.